Le professeur découvre alors, avec émerveillement, les trésors d'abord de la bibliothèque, avec tous les grands auteurs antiques et modernes, à l'exception des ouvrages d'économie politique. Puis, les trésors du salon, d'une part, avec les œuvres des plus grands maîtres en peinture et en musique, d'autre part, une exposition de raretés naturelles, notamment une perle géante d'une valeur inestimable acquise en 1865. Nemo conduit enfin le professeur dans sa chambre qui jouxte celle spartiate du capitaine. Nemo explique ensuite au professeur, lors de la visite des différents appareils de navigation, que tous ces appareils fonctionnent à l'électricité, produite à partir du chlorure de sodium, le sel, combiné à d'autres éléments fournis par l'océan. Après un passage à la cuisine, également équipée d'électricité, la vaste salle des machines, de 20 mètres de long. Revenus au salon, Nemo explique comment se dirige son sous-marin, de 70 mètres de long et de 8 mètres de large, dont la rigidité est assurée par une double coque d'acier. Le Nautilus est muni de réservoirs qui se remplissent d'eau pour descendre et d'air pur pour remonter, grâce à l'énergie électrique qui produit les effets de phosphorescence du prétendu narval. Tout a été conçu et réalisé en secret par Nemo, moyennant une fortune colossale. Une dernière question, capitaine Nemo. Faites, monsieur le professeur, vous êtes donc riche. Riche à l'infini, monsieur, et je pourrais, sans me gêner, payer les 10 milliards de dettes de la France. Je regardais fixement le bizarre personnage qui me parlait ainsi. Abusait-il de ma crédulité ? L'avenir devait me l'apprendre.